fois par mois de 17h à 17h30. Calez votre transistor sur Fadjet 94,2 en modulation de fréquence pour écouter un coup d'œil dans le rétro. Vous êtes sur 94.2 Fadjet ou Fadjet 94.2 comme on veut. Bienvenue dans notre émission Un coup d'œil dans le rétro. Une fois par mois, nous décryptons toute l'actualité du rétro qui fait son grand retour depuis plusieurs années. Il faut le noter. On vous informe sur les tendances musicales, la mode, la déco, mais aussi les loisirs, les sorties au niveau local et national. En somme, une émission où on vous parle du passé au présent. Ma partenaire de jeu habituelle depuis un an, un peu plus d'un an déjà, c'est Anna Anaïk. Bonjour à toi. Oh bah voilà, bien sûr, c'est toujours le petit, hein, faut monter le potard. Bonjour à tous. Bonjour à tous, comment tu vas depuis le mois dernier? Bah je vais bien avec ce soleil. Ouais, bah voilà, on ne peut être que content avec ce soleil dans le studio et puis depuis une semaine déjà. Et donc on a aussi bien sûr des invités cette semaine, les Prétoriens. Bonjour à vous. Bonjour. Bonjour. On est très heureux de vous accueillir au sein de notre émission. Alors en ce qui concerne le sommaire du jour, explique-nous-le. Alors au sommaire du jour, et bah effectivement, on va porter donc un coup d'œil sur un groupe de rock'n'roll donc des années 50 et 60 qui sont avec nous, les Prétoriens. Alors ils sont pas tous là, voilà, on en a deux qui sont parmi nous. On parlera aussi, alors je suis la seule femme cet après-midi, oui, dans le studio, donc j'avais envie de vous parler d'un vêtement féminin qui est une jupe, et pas n'importe laquelle, donc la jupe midi. La jupe midi, voilà. C'est pas une jupe qu'on met à midi, ou peut-être que c'est une jupe qu'on met une soirée particulière ou quelque chose de particulier. Alors non, c'est parce qu'elle se situe entre deux. Mais bon, je vous expliquerai tout à l'heure. Et puis, on parlera aussi, évidemment, des sorties, des sorties dans le coin. Pour le mois à venir. Donc, en somme, une belle programmation. Il est 5h02, 17h02. Mes amis, prenez le temps si vous êtes dans votre voiture ou simplement chez vous pour nous écouter sur Fadjet. Et on va commencer tout de suite avec nos invités. Alors, nos invités sont les Prétoriens, groupe de Nancy, de rock'n'roll des années 50 et 60, composé de 6 musiciens. Je ne me trompe pas ? Non, c'est exact, nous sommes 6. C'est exact. Donc vous êtes Alors vous me disiez tout à l'heure que vous êtes le plus vieux groupe de rock nancéen, c'est ça ? Un des plus vieux. Un des plus vieux. Oui. Donc là, je vois, né en 1963. Il entame une première carrière jusqu'en 1966, quand ses membres se séparent. Et il renaît, ce groupe, en 99, c'est ça? C'est exact. Et continue depuis avec quelques changements de musiciens, mais toujours dans le même esprit rock'n'roll. Et nous, on aime ici à coup d'œil. Et le groupe actuel donc se compose. Alors, vous allez nous le préciser, il y a donc une guitare rythmique. Alors, je suis très mélomane. Je ne joue pas d'instrument. Je suis désolé. Mais le guitariste, et au chant, c'est Michel About. Tout à fait. Michel About, qui est chanteur et guitariste rythmique. Et qui est un membre fondateur du groupe. Qui est un des membres fondateurs du groupe avec moi-même, Gérard. Et avec Gérard. Et Gérard, donc, c'est guitare. Guitare basse. Guitare basse, et membre donc aussi fondateur du groupe Les Prétoriens. Alors, il y a qui d'autre ? Alors, dans les autres membres du groupe sont donc Gérard, deux Gérard qui s'appellent aussi Pépito. Guitariste soliste dans le groupe. D'accord. Donc, Jean-Yves Vallanet, qui est pianiste. D'accord. Norbert Philippot, saxophoniste. Et François Ziegler, qui est batteur. Voilà, donc ils forment un beau groupe. Alors nous, ce qu'on veut savoir finalement, dès le départ, donc tout est parti d'un lycée, je crois. Oui, j'ai vu ça, moi, le lycée. Lycée Jacques Callot, non, c'est ça? Exactement. Donc, expliquez-moi alors. Nous étions à l'époque au lycée Jacques Callot, et évidemment, c'était la grande mode de la formation des groupes, quoi. Donc avec Michel, chanteur, guitariste, on a formé le groupe des Prétoriens avec deux autres membres qui, au fil des années, évidemment, sont partis. Et donc nous avons créé ce groupe en 63. 63 quand même, hein. Eh oui. Tout de même. Nous étions jeunes. Vous étiez jeunes. Et vous aviez quel âge ? Eh ben, ça faisait 16 ans. 16 ans. Donc tous sur le même âge, dans un garage, c'est parti du lycée, mais après on répète où ? Comment on fait ? Ah bah oui, on avait trouvé une petite salle pour répéter, et puis ma foi, le groupe petit à petit s'est constitué pour après faire des représentations publiques dans les sauteries de l'époque. C'était le terme approprié. Ouais. Hein, Ça, on appelait ça les sauteries. Et voilà, on appelait ça les sauteries. Les sauteries d'Ancienne. Alors, le nom du groupe, en fait, vous êtes appelé les Prétoriens dès le début. Comment ça s'est passé? Pourquoi ce nom? Et est-ce que s'il y avait un autre nom avant ou pas? Je sais, dites-nous. Non, parce que nous avions classé avec nous un excellent dessinateur. Ouais. Et qui avait fait, on va dire, une image du groupe. C'était un clin d'œil à l'époque au dessinateur bien connu. Et il nous avait figuré de cette façon-là. Donc, il a dit, bon, bah, regardez, vous pourriez vous appeler les Prétoriens, pardon. Donc, on a gardé ce nom-là jusqu'à maintenant. D'accord. Alors, si vous tenez Pépito la parole, alors, moi, je voudrais savoir qu'est-ce qui vous plaît particulièrement dans ces années, bah, bon, qui vous correspondent, les années 50 et 60, et quelles sont finalement vos influences? Alors, il faut savoir que eux ont commencé, le groupe des Prétoriens a commencé à cette époque. Oui. Moi, j'ai commencé exactement à la même époque, mais dans une autre région. Ah! Voilà. Quelle région? Alors j'étais en Haute-Savoie. En Haute-Savoie, d'accord. En Haute-Savoie, Thonon, Évian. D'accord. Et donc on a fait en parallèle le même parcours finalement. Et en 2010, j'ai rejoint le groupe. Et ça a tout de suite collé parce que la musique était celle qu'on jouait, qu'on attendait. Et c'est en quelle année, vous avez dit? En 2010. Ah oui, donc 2010, le groupe était beaucoup plus petit avant, ou alors il y a des membres qui sont... Il y a des membres qui sont partis. Ah oui, d'accord, voilà. Ok, voilà. Bah, disons qu'à l'époque, il y a eu aussi une grande scission dans les groupes. Hein. Il faut reconnaître que les groupes se sont dissous, les contrats étaient difficiles à trouver. C'était l'époque des balles. Oui. Donc tout le monde est parti finalement dans diverses formations, tout le monde a continué de son côté, et puis ils se sont retrouvés par la suite, voilà. Et alors donc, ces influences, vous le précisez, ce sont les influences de notre époque. Voilà, c'est ça. Voilà, tout à fait. On était fan des Chaussettes Noires, était fan des Shadows, oui. On était fan de Dick Cochran, de Chuck Berry, de Elvis Presley. Oh, là. Que dites-vous, on adore ça aussi, nous. C'était notre époque et on veut la faire revivre maintenant. Et vous avez bien raison, parce que nous, c'était pas notre époque, non. Mais on adore. Hein, et moi, Dieu sait que j'aurais aimé vivre cette époque. Oui. Nous, on adore tout ça. Et combien de fois j'ai dit à mes parents, mais j'aurais bien aimé vivre ce que vous avez vécu. Quoi. C'est vrai qu'on aime peut-être beaucoup, nous, on aime toujours avant, ce qui se passait avant. Ouais. Hein, c'est vrai que c'est effectivement aujourd'hui, c'est un peu ça. Mais par contre, on aime quand même la modernité aujourd'hui, hein, effectivement. Et, mais c'est des époques qui sont plutôt sympathiques à vivre. Et peut-être, j'ai l'impression, j'en sais rien, je peux me tromper, mais avec un peu plus de légèreté qu'aujourd'hui, j'en sais rien. Non, je me trompe? Non, oui, peut-être. Peut-être un peu moins, peut-être un peu d'insouciance. Un peu plus. C'est un peu l'impression. C'était l'après-guerre. Ouais. Donc tout allait bien. Tout le monde était content et redémarrait à fond. Tout avançait, disons, oui. À cette époque. C'est vrai qu'on a vécu une belle époque. Effectivement. Alors, on va faire justement une petite pause musicale, parce que c'est très très bien. Vous nous avez ramené d'ailleurs votre CD, donc les Prétoriens Rock'n'Roll 50s, 60s. Oui, messieurs, dames, 50-60. Et on va s'écouter un morceau. Donc, en particulier, No Particular Place to Go. C'est ça? Et voilà, mes amis, il est 17h08 et on est avec les Prétoriens jusque 17h30. I stole a kiss at the turn of a mile. My cue is only right. Cruising up in the radio. There's no particular place to go. Riding on my automobile. A song should tell the way I feel. I told the softly and sincere. She didn't always wear in my ear. Can you live more loving soul? There's no particular place to go. To go. We parked, we hold on a Kokomo. The night was young and the moon was cold. We both decided to the stroll. Can you mind the way I felt? I couldn't follow the safety belt. Riding on my caboose. Still trying to get a bed loose. All the way home I felt the grudge. What safety belts are twin and birch. Cruising up in the radio. There's no particular place to go. particular. Place to go, les prétoriens sur Fadjet. Un coup d'œil dans le rétro, une fois par mois de 17h à 17h30 sur Fadjet 94,2 en modulation de fréquence. Donc c'était les prétoriens, ils sont encore avec nous bien sûr jusque 17h30. On poursuivra l'interview dans la deuxième partie de l'émission. Et on va continuer comme chaque mois. Donc on a des petites chroniques mode déco. Et là en l'occurrence, c'est une chronique mode spéciale printemps, j'ai envie de dire, parce que c'est le printemps aujourd'hui, il faut le dire. C'est vrai. Et donc Anaïk va nous parler du retour de la jupe de midi. Alors avec ce soleil, ce printemps aujourd'hui, hein, ce vendredi, voilà, j'avais envie de vous parler du retour de la jupe midi et non pas la jupe de midi, voilà, c'est très très important. Oui, alors pourquoi ? Parce que je n'en ai aucune connaissance. Alors tout d'abord, la jupe midi, de quelle année, voilà, elle vient cette fameuse jupe midi, monsieur les prétoriens. Elle vient de notre époque. Hein, bah oui, c'est oui, ça. Quand j'ai connu ma femme, c'est elle avait une jupe. Voilà, donc ça me rappelle d'énormes souvenirs. Donc effectivement, la jupe midi donc était la pièce phare du dressing des femmes donc dans les années 50. Une touche rétro, ça nous donnait un petit peu une allure de pin-up. Alors la jupe midi, c'est une jupe qui est évasée, fluide et très confortable. Et pourquoi elle s'appelle d'ailleurs toujours la jupe midi, c'est parce qu'elle se situe en fait en dessous du genou et entre la cheville. Voilà, elle est un peu comme on dit entre deux chaises quoi. Entre deux chaises. Voilà. Donc pour la petite histoire donc de la jupe midi, il faut savoir que durant la période de l'après-guerre, les codes ont changé en fait. La femme a été prise en fait d'une envie d'exister un peu, j'ai envie de dire, et un peu aussi à travers ses vêtements. Donc on connaissait la jupe crayon, qui était une jupe très étroite donc pour les femmes. Et cette jupe crayon a été délaissée au profit de la jupe midi, qui était plus fluide et plus vaporeuse. Donc comme je disais tout à l'heure, la jupe donc a une coupe évasée qui arrive en dessous du genou, et ça permettait aux femmes de pouvoir se mouvoir plus facilement, de pouvoir un peu courir dans la rue, et on n'était pas gêné par nos mouvements. Donc on était féminine et en même temps on pouvait se bouger, donc c'était pas mal. Alors comment la porter cette jupe ? Alors la jupe midi donc peut se porter, doit se porter en taille haute. Le jour, vous pouvez mettre un petit chemisier sans manches avec un petit col, avec des talons hauts. Et le soir, vous pouvez la mettre par exemple avec un bustier ceinturé à la taille et décompensé. Je trouve que ça donne un petit look pas mal. Ça peut très bien aussi se mettre avec un sweat. Donc là, on allie un petit peu le rétro et le moderne. Ça casse un petit peu les codes. Et puis après, si vous voulez avoir un esprit un peu plus rock, vous pouvez la mettre avec des mini boots ou avec un petit perfecto en cuir noir. Ça donne un petit look sympa. Voilà. Enfin, si on peut aussi donner un petit peu de peps aussi à cette jupe avec des accessoires. Et puis notamment, pourquoi pas une paire de lunettes un peu rétro ou une belle capeline. Je trouve que c'est, ça donne un petit look rétro très sympathique. Bon. Donc il faut la mettre maintenant. Hein, c'est ça ? Alors ça fait partie des pièces phares un peu de 2015, donc oui. Pour le printemps, l'été, ça va être quelque chose qu'on va retrouver sur la jante féminine. Alors il y a un événement autour de ça ? Alors pas autour de la jupe midi, mais je voulais juste faire un petit rappel parce que effectivement il y a le printemps de la jupe qui existe, le printemps de la jupe et du respect qui a été créé en fait à l'initiative d'une poignée d'élèves en Bretagne. Donc et ce printemps de la jupe a lieu bientôt du 23 mars au 18 avril. Donc en fait c'est un dispositif qui s'adresse à tous les jeunes de 12 à 25 ans qui sont issus des différentes structures, que ça soit scolaire, loisirs ou d'insertion, dans la création de supports d'expression. Et en fait, ça sert à sensibiliser un petit peu les gens aux thématiques du respect, des relations filles-garçons, et de la lutte un peu contre les discriminations. Donc, je rappelle, c'est du 23 mars au 18 avril. D'accord, écoute, on en saura plus sur la jupe midi. Je ne sais pas si nous-mêmes on la mettra, je ne pense pas. Mais toutes les jeunes femmes de France et de Navarre, donc n'hésitez pas. C'est un beau vêtement, que nous, on aime. Et alors, on va s'écouter tout de suite, un deuxième morceau des Prétorien, Lucille. Lucille est un prénom féminin. En rapport avec qui et quoi ? Vous pouvez répondre à ma question ? Oui, Lucille, en fait, est un grand standard, on peut dire, de Little Richard. D'accord, voilà. C'est une reprise. Alors, au niveau des dates, par exemple, c'est sur le CD qui est là en ce moment là dans mes mains, les Prétoriens Rock'n'Roll, c'est quelque chose qu'on peut retrouver ou alors que vous vendez à la fin de vos spectacles, par exemple. Voilà, tout à fait. C'est pour garder un souvenir, disons, de notre soirée. On le vend en général, au prix de 5€. Voilà, c'est d'accord. Simplement pour. On va vous retrouver de toute façon juste après Lucille sur Fadjet. On est avec les Prétoriens jusque 17h30 et on va en savoir un peu plus. Maintenant, on va rentrer dans le détail. On va en savoir un peu plus sur eux. Mais ça sera juste après Lucille. Il est 17h16 et c'est un coup d'œil dans le rétro, mes amis. Sur Fadjet. Fadjet. À Nancy. Sur 94.2. Allez, les 17h20, on est ensemble jusqu'à 17h30 et on veut en savoir plus sur les Prétoriens. Alors oui, les Prétoriens, vous nous disiez tout à l'heure que voilà, vous avez fait un petit peu les sauterines en scène de l'époque. Dans le lycée Jacques Callot, voilà, du départ, il y avait pas mal de groupes qui se formaient. Alors aujourd'hui, voilà, quels sont les groupes qu'on peut retrouver en Lorraine, enfin sur Nancy, quels sont-ils? Est-ce que ce sont vos copains? Est-ce que vous entendez pas trop? Enfin, on aimerait bien savoir. Racontez-nous. Oui, donc comme je vous le disais tout à l'heure, le groupe a donc vécu 3 ans, de 63-66. Mmh. Et donc à l'époque, on a eu la chance de jouer dans les fameuses sauteries avec des groupes qui avaient pour nom les Storms, par exemple. Ouais. Qui avaient comme chanteur principal c'est Jérôme. Ah, qui est décédé maintenant, malheureusement. Les Savages, Rockets, Rapace également. Mmh. Et nous avons eu l'occasion à cette époque de faire la première partie du Gouffret. D'accord. Pas trop mal. Des Fingers, des Lionceaux, qui étaient des groupes aussi de l'époque. Et donc, ma foi, on a eu également la chance en 64, enfin la chance, non, le mérite, oui, de gagner la coupe du rythme à l'époque, devant 5 ou 6 groupes, dont un ou deux qui étaient quand même des bons groupes, très bons groupes régionaux. Et puis, ma foi, donc, 66, à l'époque, tout le monde partait à l'armée, malheureusement. Ouais, ouais. Donc, le chanteur en particulier est parti. Et puis, ma foi, après, chacun a vécu sa vie, le mariage, les enfants. Et puis donc, nous nous sommes retrouvés en 99 à l'occasion d'une manifestation organisée par Rock'n'Lore. D'accord, donc une association, c'est voilà, ça dont vous faites partie. Dont on fait partie maintenant, avec une qui s'est créée à cette occasion et qui regroupe maintenant une vingtaine de groupes. Oui, c'est ce que j'avais vu, effectivement. Donc on a retrouvé des camarades de l'époque, Rapace et autres, qui maintenant jouent à l'occasion avec nous. On les retrouve avec plaisir. Et aujourd'hui, alors en fait, moi ce que j'aimerais savoir un petit peu plus, comment ça se passe les répétitions, combien de fois par semaine vous arrivez à vous retrouver avec la vie de famille, avec tout ça, et l'envie de jouer, et comment on concilie tout ça? Ah bah c'est quelquefois un petit peu compliqué, voilà. Mais enfin les répétitions se passent chez moi, donc voilà. c'est déjà bien. Il faut déjà trouver un endroit. Voilà. Hein, je veux dire, oui, mais j'ai toujours dehors. Non, les répétitions se passent chez moi. On est toujours à la cave. Voilà. Voilà. Bon, on n'importune pas les voisins, c'est déjà ça. Ouais. Et puis, ma foi, on essaye toujours de répéter à 6, hein, mais bon, il y a certains qui sont pris par le travail, d'autres par d'autres occupations, donc on essaye de tenir quand même un rythme d'une fois par semaine. Quoi. D'accord. Donc c'est déjà plutôt pas mal. Et alors les concerts, à quel rythme aussi les concerts là vous avez donc vous vouliez une association, c'est ça? Donc Font partie effectivement de l'association Rock'n'Lore, mais effectivement vos je crois que vous aviez fait une date la semaine dernière, non? C'était au restaurant Le Péché Mignon, voilà, à Thiers-Beaumesnil. Voilà, et puis après vous avez d'autres dates à venir. D'ailleurs on y retourne le 12 juin. Voilà, à Thiers-Beaumesnil. On est Thiers-Beaumesnil, voilà, en extérieur même. Oui. C'est bien avec un grand barbecue, ça va être super sympa. J'espère que le beau temps sera rendez-vous. Je suppose qu'il y a quand même une piste de danse à disposition. Ah, oui, toujours. Oui, parce que les gambettes doivent bouger, tu vois. Et puis disons que les gens qui sont là, qui nous suivent, ce sont des rockers, ils ont envie de danser. Et c'est normal. C'est vrai que la musique s'y prête, donc on laisse toujours un peu de place pour nos amis. Et les prochaines dates, encore après Thiers-Beaumesnil? Alors là, disons qu'on a quelques concerts un peu privés, puisqu'on va jouer à la mairie. D'accord. De Nancy. On a un projet justement avec la prison. Ah oui, alors d'accord. Donc c'est intéressant. Avec, donc tous les crouves peut-être ou Non, la maison d'arrêt. Voilà, la maison d'arrêt. D'accord. Voilà. D'accord. Et puis ensuite, arrive le mois de juin, donc la fête de la musique à Gondreville. Ah, d'accord. Le 20 juin. Le 21 juin, on est à Charmes. D'accord. Donc le lendemain. Vosges. Le 11 juillet, nous sommes à Villers-Saint-Étienne au pavillon bleu. Oui. Le 24 juillet, nous sommes à Remiremont. Bah, c'est fourni, hein? Oui. Et puis bon, il y a encore d'autres dates qui vont se greffer. Hein, pour le moment, c'est celles qui sont sûres. Qui sont sûres. Alors, voilà. On peut vous retrouver sur un site internet. On peut nous retrouver sur le site internet, bien entendu, où tous nos concerts sont programmés. Donc notre site, c'est lesprétoriens.com. Oui. Nancy. Il y a une page fan Facebook ami Facebook. Alors, on a une page Facebook. Oui. C'est Rockband Les Prétoriens. D'accord. Voilà. Ok. Donc, on nous trouve facilement. On vous trouve facilement. Eh bien, on va s'écouter un petit morceau très rapide d'Eddie Cochran, ça vous dit ou pas? Ah oui, c'est un plaisir. Très rapide, et on se retrouve encore pour 5 petites minutes avec Les Prétoriens, Eddie Cochran, Something Else sur Fadjet. Et on aime le rock, et on aime Les Prétoriens. Oh, look at there. Here she comes. Here comes that girl again. Wanted to be there since I don't know when. But she don't notice me when I pass. She goes with older guys, pull me out of my class. But that ain't stopping from my thinking to myself. She's your fine looking man. She's something else. Hey, look at there. Across the street. There's a car made just for me. To own that car would be a luxury. fine looking man. It's something else. Hey, looky here. Just wait and see. Comes true, man. Wow, that's something else. Look at here. What's all this? Eddie Cochran, Something Else sur Fadjet. Fadjet. À Nancy. Sur 94.2. Allez, nos invités du jour, c'est toujours les prétoriens. Ils sont nés ensemble jusqu'à 17h30 avec eux d'un coup d'œil dans le rétro. Une émission qui traite du rétro chaque mois. Et on est très heureux de les avoir parmi nous. C'est notre premier groupe de rock, hein, effectivement. Et donc, ça nous fait bien plaisir. Et vous avez pu voir donc leur actualité. On n'hésitera pas, hein, sur la page Facebook de l'émission de relayer tout simplement eh bien leur actualité, leur site internet et de mettre directement aussi, de vous mettre directement en lien avec eux pour savoir aussi toutes leurs dates où vous allez pouvoir guincher, comme on dit, pendant quasiment tout l'été, enfin le printemps et l'été, surtout que c'est une super période pour en profiter. Mais il y a aussi pas mal de choses à faire ici en Meurthe-et-Moselle, en Lorraine, et bien c'est le moment de faire un petit tour sur sur les agendas qu'il existe, enfin qui vont être possibles de consulter. Alors, Anaïk, si j'ai envie ce week-end de sortir, je peux commencer par quoi ? Alors ce soir les amis, bah, je vous propose d'aller danser avec Wilfried, hein, oui. Notre petit Willy qu'on aime bien, donc au Classico à Nancy, donc de 22h à 1h. Vous pouvez aussi avoir un cours de danse donc juste avant à 20h45, donc n'hésitez pas à y aller. Demain soir donc au pub chez Paulette à Panier derrière Barine, je crois que ça doit être ça, vous pouvez donc retrouver le printemps de Paulette à 20h30 avec le guitariste et chanteur Nico Duportal pour swinguer donc sur de la musique rock. Le trio nancéen donc Crumble sera en première partie. Dimanche, place du Petit Champ de Mars à Épinal, vous avez aussi un rassemblement de véhicules anciens, donc que ce soit voiture, moto ancienne, camion ancien, voilà, vous pouvez vous replonger un peu dans l'automobile d'antan. Alors le week-end prochain aussi, il est possible le vendredi 27 mars aux Trois Petits Points à Nancy, un bal rétro swing toujours avec Wilfried à partir de 20h si on veut prendre un cours de danse. D'ailleurs, on n'a pas posé la question, est-ce que vous dansez, vous les prétoriens ? Oui, c'est vrai ça. Vous dansez le rock ? Oui, quand même. Ouais. Oui. Alors ils hésitent un petit peu, ils sont en train de me dire, j'espère qu'ils vont pas nous demander de faire quelques pas de danse dans le... Ça se voit pas à la radio, on s'en fout. Dans le studio. Mais de toute façon, vous êtes adepte de danse aussi. Hein. En général, ça va de pair. Le samedi 28 mars, le Rock Club de Maxiville. Alors je sais pas si vous connaissez, nous on y prend quelques cours de danse. Il y a une soirée rock swing et West Coast. Vous pouvez venir à partir de 19h pour grignoter un peu, l'entrée libre. Du 27 au 30 mars, il y a aussi le 39e salon. Alors dans un autre registre des antiquaires au parc des expositions de Nancy. L'entrée est à 6€. Le samedi 28 et dimanche 29 mars à Villers-Saint-Etienne de 10h à 17h, il y a un rassemblement de collectionneurs de Playmobil. L'entrée est à 1€ et donc vous pouvez aussi retrouver toutes les dates des brocantes et des vide-greniers qui arrivent. Hein, là, oui, c'est l'époque sur le site videgrenier.org. Des bourses aux livres aussi au théâtre de la Foucotte. Ça, c'est le samedi 27 et 28 mars. Donc ça fait pas mal de choses hein, à voir. C'est toujours la bonne époque, hein. Le printemps, c'est à ce moment-là qu'il faut sortir, même si on peut se sortir en hiver. Mais voilà, on a envie déjà de sortir. Et on n'a plus d'excuses. Avec l'arrivée du soleil. Il est 17h29 minutes, précisément bientôt 30. Et malheureusement, on doit se quitter. Les prétoriens, on est très heureux, hein, que vous soyez venus nous faire un petit coucou ici. On espère passer aussi, hein, vos musiques sur la radio. C'est le but. Et merci beaucoup. Merci à vous d'être venus. Merci beaucoup. Et vous revenez quand vous voulez. Quoi, avec grand plaisir. Voilà. Avec le restant même du groupe. Hein, voilà, c'est ça. Oui, on peut voir aussi un peu d'autres. On se débrouillera avec les micros. Et même dans le cadre d'une émission aussi où il y a la possibilité des fois de faire du live. Donc voilà, c'était cool pour nous. Et donc pareil, hein, je le redis, toutes les dates, on mettra ça tout sur le Facebook. Et voilà, c'est la fin d'un coup d'œil dans le rétro. Il est 17h30. Et bien nous on se retrouve le 17 avril, c'est ça? Oui c'est ça, le 17. Le 17 avril. On vous dit à bientôt parce qu'on a envie de profiter du soleil aussi un peu. Hein, encore, il y a eu l'éclipse aujourd'hui, ça nous a fait perdre un peu de temps. Bon week-end à tous. À bientôt, ciao. Merci, au revoir.